Ouais, c'est pour mon équipe, la RF, Plor, Rachid, Joris, Medji et Karim, Blata, Dezef, Patchouli, 102 et toute la team, Unal, Wen, catégorique et Gulis, Aurel, Official, Trévis, Jumeau, Prod, la Sneak et la Suisse, au DJ comme DJ Sack, Strix et DJ Campbell, DJ Raj, DJ Someone, Bless, Vikash et DJ Venom, Akaoli, Mkash, Mikatou, Yenid à la Prod, Damien Fort, le son des Calibres, Julien Zakaprod, Adolby, Adjoksad, Nedoua, Mélisse, LKL, Zikler, Tiz, Beretta, Check Fast, le poteau 13-8, Benny Blanco, El Staco, Costar, l'équipe. À Pazzo, à Teutaf, à Ewill, à Reggie et Plasma Joe, Sam, Pepito, Youssef, Kawas, l'Exhaler, des Parwan et le F, Mosco et Melfiano, Bub, Esprico, Katuerta, mais Patrick Morox, Clipsen, Bourli, Lengri, Paul Delifé, Jordan Sortant, RPF, le Cabanon, Chiwonka, Chevalier Armand, Rémi Serrano, Nelson Atou, Lyric Alger, Alexis Guillon, Bouza, Mimi Solmas, Kless LRDP, Chebos, Circa Junior, Newick, Samzi, Jiben, Eloïc Guillaume, Lucas Huchmitt, Maxence Cartelier, Antoine Souverain, Nico Rouquet, Rol, Nicolotre, Mathieu Ricci, Ali Jourdan, Nico Lucianou, Christophe Rivin, Carouniou, Esake, Woody Bast, Ina Ina, Michele On, Marjo Blanchier, Alphonse Nob, Spock, Amikaz, Quentin Humbert, Logique Connexion, Vince Del DZ, Folie Passagère, Pablo, Onassiam, Socratis, Petit Copec, Lucie Sofiane, Idée Intacte, Kerry Lee, Alison Scress, Layer Wam, Parodier, Funky, Arménico, Guillaume Gad, Karine Camus, Françounette, Francis Gido, Trek Trek, HK Okum, Enzo Diot, LLN, Alexis Hutt, Mehdi, AMG Hip Hop, Arismo, Karim Hugo, et le frère au Paps, Lil Freeze, Nanushka, Shai, Sid, Jimmy Novas, Phoenix, RK Tao, LP Beats, Peroxide, Thibaut et Morala, Famille Boilaga, Mohamed Morphine, Sabine, Gonzalez, Jonah Wakiza, Vivi Mac, Modeste, Mika Eti, Tarkan VGA, Bob, Los Angeles, Tariq Mabrouk, Ben Tupal, Dosti Steph, représente Chenzo Da Costa, Lionel Perron, Loïc Chartrain, Charlie Houdo, Julien Etienne, Sarah Mokadel, Sacha Herbo, Thomas Gignoul, Thomas MR, c'est l'anonyme, Max Choupa, Lion Freestyle, Manu Ponce, Iveta, Gacha Sova, Remix 16, 34 août, Mokhtar Rudi, Jasmine Jay ZJ, Jean-Fel Neymar, Noxy Valente, et Maxo Pourré, Mercator, Claudine, Florian Croc, Compère Rue, Loïc Deschamps, Pierre Boyal, Barbu Rasbar, Luflu, Exos PSM, Nicolas Cudla, Julien Alain Burgu, Julien Duru et Jérôme Babas, Kamkil, Spoutnik, Jacques Boone, Elodie, Neka de la Muerte, Cagoule Ganté, Archa Vince, Indépendant Musique, Larry Larry Post, Pierre Ricard, Matza Ezia, Manoutier, De La Pampa et Fred Maillard, Hugo Stockdal, Sticky, Jonathan, Dimitri Nabe, Molotov, Kruskov, Slimano, Elé Lassier, Manols, John Ferreira, François Cana, Ygritte Blo, Arthur Fagneur et Guillaume Asp, Guillaume S, Trevor Rideau, Chris Garner, Tevarez, Florent FS, Tank Jad, Geoffrey Leflon, Nerolf Colette, Ben, l'oncle sale, Ludovic Dupont, Cindy Lutti, Alex Badarou et Luce, Armand Martino, JB Marquis, Alban Ali, Capselou, Johan Breton, Elodai, Kevin Thibault, Matter Skip, Lucie Lafuneur, Dorian Delbonnel, Maxime et Ego Trip, Samuel Kleng et Kenzen, Balaclava, Florent Flo, Guillaume Lecomte, Samo Beccate, Don Padrino, Tufo, Steph Nini, Mehdi Guéraz, Eli Cruz, Alice Sarr, du bon son, Dave Barbès Clan, Nutna, Oscar Lézard, Mathias Treben, François Otua, Charles Sossu, Sombrero, Davin Roman, Dingo, Mohamed Uzi, Gianni Misericorde, Big Dreams, Bless Nicolet, Jimmy Willings, Issa Anna, Thibaut, Pierre Noël, Samy Walish, Clément Marin, Ours, Jupiter, Kazik, l'agent du Mike, Mans, Jérémy Corma, Crimo X, Clément Zazankan, Léopold Stoch, Christophe Vulin, Alex Léo, Macha, Saphir Zergi, Nathan Prunet, Fish Monguet, Arnaud, Miras, Mediemla, Claire Barbie, El Pandino, Thibaut Lafaye, Ice, Gladys Assia, Jonas Ojmo, Justin Laperol, Riteoa, Jérôme Coudour, Greg Jo, Loïc Charbonnel, Vincent Kans, El Sentinelle, Théo Léo, Antoine Julien, Djibril Loumani, Anthony Lecat, Salim L'impulsif, Vincent Chopo, L, Ams, Kamikaze, Joe, The Woodruck, Moe Sud, Kerf Poto, Clemens KR, Maxime MR, Tiffendorio, Julia Mino, Nils, Arasha, Artizik, Usamta, Amaruka, John Lambert, Jérôme Bonsi, Valérie, Defretas, Drazik, Jess, Ewen, Ludo Coutard, Thomas Track, Tout Fresh, Nocif, Macrophone, Starline, Anto Sofia, Zerko, Emery Corio, Gio Lescro et Siegfried, Sacha MR, c'est Charles Dufoin, Nordine Chepil, Isabelle Blanc, Docteur Driss, Tommy Intessence, Joe Dos Santos, Adelphostus, Caïps, Kaila Alice, Que Franck, Evil Menes, Simon NZT, The Calmoris, Golf, Jackie, DVST, Nico Fonkou, Nasdek Beat, The Spia, DBZ, Yann Martinez, Gab Stasser, Mohamed Robinet, Arca Arca, Yohan Mouge, L'Artiseur, Sandra Nicolich, Sylvain Marna, JB Durand, Cindy Ferrier, Emerald Medizier, Romain Guerrieri, Julien Solier, Timal Mayou, Tatiana Tatou, Fab, tu connais, Nico Van Noot, Thomas DLZ, Steven Fletcher, Maxence BRD, Sylvain Ardin, Aurel Berger, Tilda Stiff, La Chance Locos, Zenska, Ronan, Pelé, Reizin, Roland Rodriguez, Steven Melin, Corentin, Kelly, Devosca, Sacha, Pablo González, Exil, FMC, Letzi, Virginie Lar, Stones Malat, Travis Elil, Esquive Marius, Dom Alf, Florian Soal, Thomas Nati, Antonin Mandinali, Bruno Alves, Kela MC, Juju Richan, Bastien Haché, Mango Hayes et Netzi, Aleticia, Roland Ribeiro, Dacon Cessa, Olucha, Nayan Pisse, Jason Boutin, Pierre Vincent, Piveto, Michael Florian, Sébastien, bienvenue, Alexandra Sella, Axel Desflash, Pierre Monin, Erika Villa, Jenna, Marie Rossi, Marc, Anto Azevedo, Axel Curabe, Winter Sten, Aaron, Masso, Mon, Christopher Laroche, Barbie, Miranda, Idris Carlos, Amistum, Maxi Chaos, Soso, Shaina, Estavino, Fly La Boca, Instrumental, Goufa, Brentado, Hellboys, Le Golo, Soso, Vegeta, Savastano, Thomas Jefferson, Louvreur, Javac, Zakozer, Marcivori, David Mocles, Michael D, Franck Beaufrère, Greg Levray, Michel Bol, Tartampion, Visca Barça, Valentin Spice et Louis Ross, Paul Sicri, Rachid Méziane, Kino, Picasse, Baggy, Paul Akadik, Tidal Bambor et Saïd Nene et Toufik, Raspopovic, ADN, La Rime Dangereuse, GNS, Zopa Kipling, Mathieu Tarras, Géladal, Def, Jimmy, LVRI. Tous ceux que j'oublie. Freestyle, hein? Big up. Freestyle, freestyle. Tu peux continuer à l'infini. Big up, freestyle. À tous les groupes qu'on aura croisés. Freestyle. Tous les MC qu'on aura croisés. Freestyle. Toutes ces mains qu'on aura serrées. Freestyle. Tous ces regards qu'on aura croisés. Freestyle. Freestyle. Freestyle.